Le problème, par Marcel Benoît. Par un matin de printemps de l'année 1617, dans une rue de la petite place forte de Bréda, en pays batave, un jeune officier français, au service des armées des Provinces Unies, marchait d'un air préoccupé, absorbé, quand tout à coup il parut comme réveillé, tout fringant, alerté. La vue d'une jeune fille qui venait, accompagnée d'une duègne, de passer près de lui avait naturellement provoqué ce revirement. Il la suivit. Elle ne fut pas sans s'apercevoir de son manège, se gardant bien cependant de lui laisser voir que cette poursuite ne la laissait pas indifférente. Elle pénétra, ainsi que la dame qui l'accompagnait, dans une maison. Le galant suiveur, filait 100 pas dans la rue, observa les fenêtres, mais à sa déception, nul rideau ne bougea. Enfin, après une longue attente, il s'éloigna, se promettant bien de revenir. Le lendemain, à pareille heure, il arriva juste à temps dans la rue pour voir entrer la jeune fille de la veille dans la même maison. Nouvelle attente vaine. Du moins voulut-il se persuader qu'on l'avait remarqué et qu'un sourire, même fugitif, avait salué cette flatteuse persistance de sa recherche. Malheureusement, repassant 3 jours de suite par cet endroit, il n'eut plus semblable chance. Le charmant objet de sa poursuite et de son juvénile enthousiasme devenait invisible. Aussi traînait-il, assez mélancolique, vers le soir de cette 3e journée, dans les rues, quand un attroupement auprès d'une affiche, apposée sur le mur d'un vieux bâtiment, l'ayant intrigué, il s'approcha. Comme il lisait assez peu le flamand, après avoir vaguement déchiffré dans le début qu'un inconnu posait par ce papier un problème à résoudre, il ne put réussir à pousser plus avant. S'adressant alors à un homme de mine austère, mais de physionomie bienveillante, qui se trouvait près de lui, il le pria de lui expliquer de quel problème il s'agissait. Le personnage, qui se nommait Leckmann, était maîtresse mathématique au collège de Dordrecht, le considéra curieusement d'abord, comme s'il eût estimé plaisant qu'un petit officier français parût s'intéresser à un problème de géométrie, puis comme celui-ci insistait, « Je doute fort, dit-il enfin, que vous puissiez réussir à résoudre la question qui n'est pas de mince essence. « Raison de plus. Oh oh !» repartit le digne homme avec bonne humeur. « Eh bien, je veux bien vous traduire la chose, si vous vous engagez à m'apporter la solution. »« Je tiens le défi, » répondit le jeune homme sur le même ton. Traduction fut faite, dont l'officier prit note à mesure. Puis, ayant courtoisement remercié le magistère de son obligeance, et celui-ci lui ayant dit où on pourrait le retrouver, il le quitta. Le lendemain, de bonne heure, sur le matin, il se présentait à l'adresse indiquée. Une jeune femme vint lui ouvrir. Il resta interdit. C'était cette jolie fille même qu'il se désespérait de ne plus revoir. Prenant sur lui, cependant, il commença. Quelle heureuse rencontre! Mais, parce que s'imaginant sans doute qu'il poussait l'audace excessive à venir la relancer jusque chez elle, elle avait froncé le sourcil et s'apprêtait à pleurer à lui refermer la porte au nez. Il ajouta avec vivacité. « Monsieur Leckmann est-il là, je vous prie ?» Elle le considéra avec plus d'étonnement encore. « Vous voulez parler à mon père ? » fit-elle. Et il apparut bien qu'elle pensait que ce jeune homme allait décidément un peu vite. Mais lui, « Monsieur Leckmann m'a prié à venir le voir, mademoiselle. » Celle-ci, visiblement, ne savait plus que croire. Heureusement, son bonhomme de père, attiré par cette palabre, apparaissait. « Et quoi ? » fit-il joyeusement, en reconnaissant l'amateur de problèmes. Vous, sitôt, auriez-vous réussi? Mon plaisir serait de vous en faire juge. Vraiment, vraiment, répétait le professeur, ne pouvant dissimuler son incrédulité. Mais entrez donc. Il le mena dans une pièce voisine, et comme la jeune fille, de plus en plus surprise, s'apprêtait à se retirer. Tu vas rester, mon enfant, dit-il, ajoutant, tourné vers l'officier. Ma fille, monsieur, qui est fort cultivée et qui entend bien la langue de votre pays, montre quelques dispositions également pour les choses de science. Je pense donc que sa présence ne vous gênera pas. « Non, certes, » protesta le jeune homme avec une évidente satisfaction. « Tout au plus pourrait-elle m'intimider. Mademoiselle est si jolie, et distraire mon esprit de ces matières arides. » La jeune fille s'inclina, rougissante, sous le compliment. « Ah ! » dit le père en riant. « On voit bien que vous êtes français, mais Voyons ce problème. » Quand le jeune officier se fut exécuté, « Mais, monsieur, s'écria le professeur, dont le visage exprimait la surprise jointe à l'admiration la plus vive, « vous êtes plus fort que moi, vous êtes un grand mathématicien. Pensez donc que je n'étais pas encore venu à bout moi-même de ce casse-tête. » Et tourné vers sa fille, « Regarde bien ce jeune homme, mon enfant, ou je m'en trompe fort, ou il ira loin. » C'était là une invite superflue, la jeune personne n'ayant cessé pendant toute cette scène de considérer le précoce débrouilleur de rébus. Celui-ci, d'ailleurs, au milieu de ses explications, ne s'était pas fait faute de tourner vers elle ses regards. Peut-être même avait-il intentionnellement étendu sa démonstration afin de prolonger ses instants précieux. Par un heureux hasard, le père fut obligé de les laisser seuls un instant, pour s'occuper d'une livraison de vieux grimoires que venait lui faire un commis de librairie. Les deux jeunes gens, troublés, restèrent d'abord sans parler, mais, pressé par l'occasion, le jeune homme rompit le premier le silence. « Que le ciel fait bien les choses, mademoiselle, moi qui désespérais de vous retrouver. Je croyais que vous habitiez dans cette maison de la rue Longue où je vous ai vu entrer. C'est la rue où loge la sœur de mon père, dit-elle, et où je suis dans l'habitude, en effet, d'aller passer souvent la demi-journée. Quoi ? Remarqua-t-elle avec malice. Car elle était au fait là-dessus. Vous m'auriez suivi jusque-là. Si je ne craignais d'employer un terme dont on a trop abusé, je répondrais que je vous aurais suivi jusqu'au bout du monde. Mais me permettrez-vous de vous dire que depuis que je vous ai vu, mon cœur vit en un prodigieux enchantement, comme dans la crainte aussi, la crainte de ne plus vous revoir ou de n'avoir pas cette chance de vous plaire. Hélas, monsieur, dit-elle, je ne puis vous répondre. « Mais, ajouta-t-elle avec une charmante confusion, ne pas vous répondre, n'est-ce pas assez vous répondre ?»« Je vais tout de suite hasarder, reprit-elle avec précipitation, comme pour échapper à la scabreuse ambiance que menaçait de créer cet aveu. « J'avais hasardé en ma pensée à vous voir que vous deviez être une personne fort remarquable. Je ne suis donc pas fâché de voir cette impression aussitôt transformée par l'expérience. » En une vérité démontrée. À la bonne heure, s'écria le jeune homme avec enthousiasme. Cette rencontre est réellement merveilleuse, car voici des mois que mon esprit rumine d'appliquer à l'ensemble des connaissances humaines cette méthode que vous venez si judicieusement dénoncer, à savoir que nulle vérité ne doit être acceptée comme telle, qu'elle n'ait été confirmée par l'expérience. Le père, survenant, coupa court à ce dialogue scientifico-sentimental. On convint de se revoir. « À propos, dit le professeur, excusez-moi, je ne vous ai pas encore demandé votre nom. »« René Descartes, monsieur. » C'était « Le problème » par Marcel Benoît.